La chronique du football collégial, une présentation de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, là où l'expérience client est inégalée. On va parler de football collégial, c'est la chronique des de nos jeunes qui de Dolbeau-Mistassini et de Saint-Félicien de Roberval qui évoluent dans le football collégial. Et là, c'est le tour d'un joueur des Gaillards de Jonquière, c'est William Saint-Pierre, natif de Dolbeau-Mistassini. Salut William. Salut. William, dernière année de collège, comment tu vis ça? Dernière année, il faut prendre plus de leadership. Puis c'est l'année, c'est la grosse année, là. Il faut performer pour essayer d'atteindre après ça le niveau collégial après. Là. Okay. Et à date, je le vis très bien. OK. Dis-moi, j'imagine que là, est-ce que c'est la meilleure année au niveau talent chez les Gaillards depuis que tu es là? Je te dirais que c'est différent un peu. Niveau talent, c'est sûr qu'il y a des blessures qui viennent, mais je te dirais que j'ai acquis beaucoup plus d'expérience, fait que je joue avec beaucoup plus d'expérience, moins d'empressement. Je suis capable de mieux lire les jeux. Je te dirais que ça m'aide beaucoup dans mon jeu. Non, je te parlais au niveau d'équipe, je te parlais pas au niveau de toi, je te parlais au niveau d'équipe, parce que au niveau de l'équipe, là, les Gaillards, c'est la meilleure équipe que tu as vue. Oui, c'est dans Division 3 en ce moment. Avec les Gaillards, avec le niveau de talent comparé à l'année passée, on a un petit peu plus de talent. Puis je trouve que tout se coordonne bien. Puis cette année, on a une bonne équipe. Surtout que moi, ce que je regarde les scores, je regarde également quelques matchs, quelques bridges sur le web également. Il me semble que vous pulvérisez plus l'adversaire que les autres années. Oui, cette année, on a une offensive un peu plus explosive, je pourrais dire. Okay. On met beaucoup plus de points au tableau que l'année passée. Là. C'est beaucoup plus facile pour notre défensive de faire des scores quand on mène par 14-21 points que juste par 7 points. Là. C'est sûr, puis il y a une équipe qui s'appelle Shawinigan qui est dans votre division cette année. Mettons que c'est facile. Là. C'est plus facile améliorer ses statistiques personnelles aussi. Oui, c'est sûr. Shawinigan, c'est une équipe, c'est un programme qui est quand même jeune. Ils ont de la misère un peu en début, mais oui, Shawinigan. On a marqué beaucoup de points contre eux. OK. Là, dis-moi, c'est ta dernière année, on en a parlé tout à l'heure, au niveau universitaire, as-tu eu des approches? Parce que moi, on m'a toujours dit, William, il y aurait le talent, c'est le physique, par contre, qui fait en sorte que ça pourrait être difficile. Est-ce que là, mais on me dit que tu t'entraînes très, très fort. Donc, en raison de... J'imagine que c'est pour prendre de la musculation, quoi? Ouais, c'est pour prendre un peu de poids, c'est sûr. C'est sûr que la grandeur, je peux pas aller la chercher. Ouais. Mais j'ai toujours compensé avec ma vitesse, ma vision de jeu. Puis universitaire, je pense pas à ça tout de suite. Je pense, c'est sûr, en ce moment, à aller chercher l'objectif qui est le bol d'or. Là. Ouais. Je m'entraîne beaucoup fort pour ça pour l'instant. Puis ensuite, on verra, tu sais, si on gagne le bol d'or, ça va bien, nécessairement, les équipes collégiales universitaires, vont être attirées vers nous autres. Et je risque de peut-être plus me faire voir par après. Le fait que tu joues pour les Gaillards aussi, c'est une équipe qui va vraiment année après année qui connaît du succès. Ça doit aider aussi pour le recrutement au niveau universitaire? Oui, c'est sûr qu'avoir une équipe qui performe année après année, ça l'aide au niveau universitaire qui sache qu'en recrutant un joueur comme ça, le joueur va vouloir gagner et non perdre. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Dis-moi, quand tu dis qu'on s'entraîne fort, qu'est-ce qu'on fait? Pour prendre de la musculation, je veux dire? Ouais, on s'entraîne comme là pendant la saison, je m'entraîne quand même trois fois en salle par semaine. OK. Pour continuer à garder ma forme physique. On a les entraînements quatre fois semaine plus le match l'entraînement de football. Mm. Puis en off-season après ça, ça va être les entraînements muscu, les courses, ça, pour se préparer à la prochaine saison ou soit monter universitaire. OK. Justement, je reviens sur l'universitaire. As-tu eu des approches d'une autre équipe? Des nouveaux universitaires? Pour l'instant. Ouais. C'est plus du global parce que au début, j'étais supposé faire 4 ans collégial. OK. Ça s'est décidé cette année que je terminais cette saison-là. Donc, justement, j'ai eu des pourparlers un peu, mais c'est pas rien de concret pour l'instant. Là. C'est juste des pourparlers. Le variant, quoi? Non, j'avais eu des pourparlers un peu avec Bishop et McGill, mais c'est juste. Il n'y a rien encore de. Hey, dis-moi, est-ce que le fait que tu as joué, tu me rappelles la première année au Nouveau Collégial, tu n'as quasiment pas joué, on t'a niaisé, excuse-moi l'expression, là. Est-ce que ça te nuit à ton développement de joueur de football? Je dirais que non, c'était pas vraiment niaisé, c'est que j'étais allé là-bas, puis déboîter deux épaules. Donc, c'est sûr que je ne pouvais pas jouer rendu là-bas. Mais sérieusement, avec les coachs que j'avais là-bas, j'avais un coach qui venait tout justement de sortir du Rouge et Or, qui avait été une superstar là-bas. Ouais. Puis j'ai vraiment appris pareil. Là. Puis j'ai réussi à me confronter à des joueurs, des receveurs, tu sais, de Castor, tu sais, Mathieu Robitaille, il joue pour Laval, tout ça. Puis j'ai pris des reps contre eux autres. Là. C'est pas des reps perdus aucunement. Là. Ça m'aide à gagner de l'expérience aussi. T'avais une blessure aussi, hein? Ouais, c'est ça, je m'étais déboîté deux épaules. Ça avait. OK. Ça m'avait pas aidé. Ben non, c'est sûr. Dis-moi maintenant, donc, au niveau académique, tu vas faire ta demande universitaire dans quel domaine? En administration. OK. C'est-tu administration sportive? Parce qu'on m'a dit que c'était administration sportive, c'est ça? Non, c'était administration marketing. Pas... OK. Ouais. William, je me rappelle la première entrevue qu'on a faite ensemble, tu avais 13 ans, tu t'en allais à un camp, t'es l'Impact de Montréal, l'Académie, t'as essayé de faire ça. Ouais, je m'en souviens. Puis là, tu veux faire une carrière, t'es rendu dans le football. Est-ce que tu regrettes des fois ou t'aurais aimé mieux jouer au soccer encore? Non, je regrette pas. C'est sûr que le soccer, j'aimerais ça jouer encore pour le plaisir. Ouais. Mais je pense que le soccer m'a justement aidé à me développer l'aptitude physique. Justement la vitesse, l'agilité pour le football. Je pense que les deux sports ils comptent bien ensemble, puis je pense que juste le soccer, ça a été un plus de jouer pendant mon enfance pour plus mieux performer au football. OK. Sur quoi? La vitesse, j'imagine? Ouais, la vitesse et l'agilité, ouais. OK. Ben William, on va te souhaiter la meilleure des chances. Évidemment, je suis très bien branché pour connaître un peu ton choix, qu'est-ce qui arrive au niveau universitaire. Fait que si jamais tu signes avec ou tu commets, parce que c'est ça le vrai thème du sport universitaire, là. Tu te commets avec une université, on va s'appeler. Parfait, merci. De Dolbeau-Mistassini, William Saint-Pierre.